La délégation des députés issus de différents partis italiens en visite en Corée a offert un présent au maréchal Kim Jong-un. Le chef de la délégation, Antonio Ratti, secrétaire général de la commission diplomatique du Sénat, l'a transmis le 31 août à Ri Sion, membre du bureau politique et vice-président du comité central du Parti travail de Corée.